Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, première partie, chapitre 2 du troisième traité, deuxième paragraphe, grâce sanctifiante conférée à Marie. Il servirait peu à une créature d'être ornée de l'assemblage de tous les dons surnaturels dont nous venons de parler, si elle était privée de la grâce qui seule rend l'âme agréable aux yeux du Très-Haut. Si je possédais toute science, dit le grand apôtre, si je parlais toutes les langues des hommes et des anges même, si j'opérais des prodiges au point de transporter les montagnes, que me servirait tout cela, si je n'avais pas la charité? Ne vous y trompez pas. Ce ne sont point ces purs dons surnaturels qui rendent l'âme vraiment grande, de cette grandeur seule digne d'estime. Je vous assure, dit un jour notre Seigneur Jésus-Christ, qu'au jour du jugement plusieurs me diront, Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons opéré des prodiges en votre nom, et je répondrai, Matthieu 25, 12, je ne vous connais point. Il en sera bien autrement alors de Marie, car elle a vraiment trouvé grâce devant Dieu, elle a ambitionné et obtenu des grâces plus excellentes que celles qui brillent dehors, je n'ai pas besoin de le prouver, seulement je tâcherai de faire voir le prix et l'abondance de la grâce qu'a trouvé Marie. Mais que dis-je, qui pourrait jamais le faire, excepté Dieu seul? Nous nous efforcerons toutefois de sonder cet abîme autant que notre faiblesse nous le permettra. Marie fut pleine de grâce, c'est la louange que lui décerna l'archange Gabriel, quand il vint lui annoncer l'incarnation du Verbe divin dans ses chastes entrailles, Ave, Gratia plena, Luc 1, 28. Mais comment Marie fut-elle remplie de grâce? Serait-ce de la même manière que saint Étienne, dont nous lisons pareillement qu'il fut plein de grâce, Stéphanus au templenus gratia, acte des apôtres 6, 8. Non, non, dit saint Bernard, qu'on se garde bien de le croire, la plénitude de la divinité n'habita point corporellement dans saint Étienne comme elle habita dans Marie, Homélie super missus est, numéro 2. Ou, si nous l'aimons mieux, Marie fut pleine de grâce ainsi que saint Étienne, mais chacun selon la capacité qui lui était propre. Un petit bassin est plein d'eau, aussi bien que l'océan, mais quelle comparaison entre la quantité d'eau qui remplit l'océan, et celle qui est renfermée dans le bassin? Nous pouvons appliquer cette comparaison à notre sujet. Dieu a dilaté le cœur de Marie, et il en a formé un océan, où il put répandre à profusion les grâces les plus précieuses. Dieu donne à chacun, dit saint Thomas, in chapitre 8, de l'épître de saint Paul aux Romains, la grâce proportionnée à l'office auquel il le destine. C'est ainsi qu'à l'humanité de Jésus-Christ fut accordée la plus excellente de toutes les grâces, data est excellentissima gratia, par le motif qu'elle devait être unie hypostatiquement au Verbe, et, après Jésus-Christ, ce fut Marie qui reçut la plus grande plénitude de grâce, parce qu'elle fut choisie pour être sa mère. Le même saint en donne ailleurs une raison plus profonde. Plus un être, dit-il, se rapproche de son principe, plus aussi il participe à ses effets. Or Jésus-Christ est le principe de la grâce, conformément à ce que dit saint Jean, « Gratia et veritas per Jesuum Christum facta est », Jean 1, 17. Et la bienheureuse Vierge est la créature la plus proche de Jésus-Christ, qui prit d'elle la nature humaine, elle dut donc en recevoir une plus grande abondance de grâce que tous les autres. C'est dire beaucoup assurément, que d'affirmer que Marie a dû participer à la grâce plus qu'aucune autre créature. C'est dire beaucoup, car c'est avant ces que Marie a reçu plus de grâce, non seulement que tous les saints, mais même que tous les anges, que tous les chérubins, que les séraphins les plus brûlants d'amour. Cependant, on ne dit pas encore tout, on ne dit pas combien la grâce que possédait Marie surpassa celle des autres saints et des anges même. Il faut remarquer que saint Thomas, comme l'observe Suarez, parle ici de la première sanctification de Marie, ou de la première grâce qui lui fut conférée. Elle ne reçut alors qu'en germe la plénitude de grâce à laquelle elle est parvenue dans la suite. La grâce que reçut Marie ne resta jamais oisive, elle alla toujours croissant durant tout le temps de sa très sainte vie, comme nous l'avons dit ailleurs. Chacun de ses actes délibérés lui mérita une augmentation de grâce, et cette augmentation, tout en la rendant plus agréable à Dieu, et en multipliant ses mérites pour la gloire éternelle, la rendait en même temps plus capable de mériter davantage encore par la suite, voir Suarez, Opera Omnia tome 17, page 14. Marie ne fit point de ses actions presque indifférentes, qui, tout en augmentant quelque peu le mérite, ne dilatent pas la capacité du sujet, du moins suivant le sentiment des thomistes. Non, les actions de Marie ne cessèrent jamais d'atteindre de nouveaux degrés de ferveur, la seconde fut plus fervente que la première, la troisième que la seconde, et ainsi de suite. Elle aima toujours Dieu de toute la force de son âme, fortifiée par la grâce qu'elle possédait. Elle l'aima constamment autant qu'elle le jugea digne de son amour, dit saint Bernardin, Suarez, ibidem. Qu'on ajoute à cet assemblage immense de grâces, celles qui lui furent conférées ex opere operato, comme disent les théologiens, c'est-à-dire par la vertu des sacrements qu'elle put recevoir, et qui sont le baptême et l'Eucharistie. Voir Suarez page 150 et suivante. Qu'on ajoute la grâce qu'elle reçut à l'instant de l'incarnation du Verbe, idem ibidem, la Vierge entendit alors ces paroles, Spiritus Sanctus superveniente, Luc 1, 35. L'Esprit Saint surviendra en vous. Le Saint-Esprit descendit alors sur Marie, dit saint Athanase, apportant avec lui toutes les vertus, afin de la combler de grâce, et de la rendre propre à concevoir le Verbe divin. Suarez, ibidem. Mais si Marie était déjà pleine de grâce, pourquoi la remplir de nouveau? C'est une réflexion de saint Bernard, sermon 2, in assomption de la bienheureuse Vierge Marie, pourquoi l'Esprit Saint vint-il? Sinon pour la combler, il était venu la remplir pour elle-même, il revient maintenant pour la combler en notre faveur. Appelez à Dieu que nous participions à cette surabondance qui découle de Marie. Supposez la grandeur, Dieu seul la connaît, de la première grâce conférée à Marie, supposez cet accroissement non interrompu de mérite qui se fit en elle durant une vie de plus de 60 ans. À quel degré pouvons-nous croire qu'atteignit enfin la sublime sainteté de Marie? À qui il est juste de dire qu'elle fut immense, ineffable et incompréhensible? Voir Suarez Opera Omnia tome 17, page 151 et suivante. Elle est un abîme de grâce, comme l'appelle saint Jean Damascène, abîme tel, que si nous prétendons y pénétrer, nous nous y perdons, abîme tel, qu'il n'y a que Dieu, le seul qui soit au-dessus de Marie, qui puisse en connaître la profondeur et les limites, excepté Dieu, Marie surpasse tout. Personne, dit saint Anselme, personne ne peut sonder l'immensité de l'amour divin pour la Sainte Vierge. Nous pouvons donc dire avec beaucoup de fondement que l'amour de Dieu envers cette fille, cette mère et cette épouse bien-aimée, surpasse l'amour qu'il porte à tous les autres saints et à tous les esprits célestes pris ensemble. Suarez, Ibidem page 153. Le Tout-Puissant aime plus la très sainte Vierge seule que tous les autres ensemble, et comme Dieu aime en proportion de l'ardeur avec laquelle il est aimé, ou si l'on veut, comme l'amour de Dieu est effectif, et produit l'amour dans ceux qu'il aime, nous devons dire que Marie seule aime Dieu plus que ne l'aiment tous les bienheureux pris ensemble. Ô heureuse Vierge, et mille fois heureuse, vous avez véritablement trouvé grâce auprès du Très-Haut, Luc 1, 30, mais quelle grâce, demande Saint Bernard, in Annonciation à la Bienheureuse Vierge Marie, sermon 5, numéro 8, quelle grâce avez-vous trouvé? Vous avez trouvé une grâce comble, une grâce singulière. Que dis-je? Est-elle singulière ou générale? Elle est l'une et l'autre, sans aucun doute, parce que cette grâce est pleine, et elle est singulière par cela même qu'elle est générale, car vous avez reçu en particulier la grâce commune. Elle est singulière, parce que vous l'avez trouvée seule, et commune, parce que tout le monde reçoit de sa plénitude. Ô Marie, vous avez trouvé la grâce, mais l'aviez-vous jamais perdue? Comment donc l'avez-vous retrouvée? À j'entends, c'est nous qui l'avions perdue par notre faute, et vous avez retrouvé ce que nous avions perdu. Paraissez donc en justice, vous connaissez la loi, que doit faire celui qui trouve un trésor que d'autres ont perdu? Le restituer à ceux-là même qui l'ont perdu. La loi est claire, nous avons perdu la grâce, vous l'avez trouvée, rendez-nous-la donc, car nous la réclamons. Mais quoi? Je deviens toujours de plus en plus arrogant. Je vous parle comme si vous étiez lente à nous communiquer les grâces dont Dieu vous a faites la dispensatrice. Non, non, vous n'êtes pas avare de vos dons, mais nous sommes paresseux à les recevoir. Vous voulez distribuer les grâces, mais vous ne trouvez où les répandre. Ibidem numéro 9. Votre serviteur Saint Bernard le comprit bien. Que dis-je? S'écriait-il, où Marie versera-t-elle ses grâces? C'est un baume très pur, il demande un vase bien net et bien solide. Mais peut-être sommes-nous remplis de vices et de péchés, et, qui pisait, nous y joignons l'ingratitude, qu'y a-t-il de plus manifestement opposé à la grâce? Moi aussi, je le comprends, si je veux recevoir la grâce, je dois purger mon cœur de tout vice, je dois le préparer par l'exercice des vertus. Mais voyez, ô ma mère, voyez comme je suis fortement enchaîné au mal, combien grande ma résistance au bien. Obtenez-moi donc, avant tout, la grâce de changer mon cœur et mes dispositions présentes, afin que je devienne ensuite, avec votre secours, capable de recevoir la grâce sanctifiante, qui nous rend seuls enfants de Dieu et héritiers de son royaume. Ainsi, par votre moyen, je recevrai grâce pour grâce. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.